Le président du comité central de l'Association de l'Église catholique de Corée, Kang Ji-yong, a publié également le 30 mai un entretien. En voici le résumé. À l'historique 7e congrès du Parti travail de Corée, le maréchal Kim Jong-un a avancé le plan radieux de la puissance socialiste qui réalisera le rêve et l'idéal de notre peuple. Il a présenté la plus juste stratégie pour réunifier le pays en toute indépendance. Tous les catholiques de notre République soutiennent absolument son rapport présenté au 7e congrès du parti. Grâce à la triple charte, programme de la réunification indépendante énoncée par le président Kim Il-sung, qui s'est efforcé toute la vie pour réunifier le pays, à la déclaration commune nord-sud du 15 juin et à la déclaration du 4 octobre, jalon de la réunification indépendante du nouveau siècle mise au point par le général Kim Jong-il, et à la ligne de réunification du pays et à la direction avisée du maréchal Kim Jong-un, soleil de la nation et guide de la réunification, la cause de la réunification de la patrie de notre nation sera réalisée sans faillir. Le comité central de l'Association de l'Église catholique de Corée est convaincu que toutes les organisations catholiques et leurs membres de Corée du Sud et d'outre-mer suivront l'appel patriotique du maréchal et s'engageront tous à la lutte sacrée pour ouvrir le grand passage à la réunification de la patrie en joignant la force à toute la nation.